Le podcast de Mine Walker avec Aristide Portagu. Bonsoir, les éditions de 23h45 sont fiers de vous accueillir dans ce numéro 1 du podcast de Mine Walker qui viennent compléter les chroniques du même nom. Les chroniques, un blog que vous connaissez et qui vous parle depuis déjà quelque temps, entre autres, d'un pays tout à fait inconnu qui s'appelle la Pamukkale. Et que Julien Morino, notre célèbre collaborateur, est en train de visiter. Nous allons tout de suite le recevoir en Skyplex. Julien, vous m'entendez ? Oui, et vous ? Pas mal, et vous ? Oui, je vous entends. Et ça gazouille ? Ben, je viens de vous le dire. Oui, mais je vous demandais si ça allait. Ah oui, alors ça pleutit ? Ça broute. La joie et le bonheur, et vous ? Bon, il pleut, mais ça va. Et le reste de l'équipe ? Ouais, Jean-Pierre s'est de nouveau engueulé avec Annabelle, mais à part ça, tout va bien. Ouais, ces deux-là, de toute façon, hein, c'est toujours pareil. Je vous le fais pas dire. Bon, on va peut-être parler de Pamukkale, non ? Parce que le Skyplex par satellite, ça douille. Bon, remarquez, c'est vous qui payez, hein. C'est ça, trêve de plaisanterie en carton. Alors commencez par nous dire où se trouve la Pamukkale et qu'est-ce que vous y faites, hein. Mais c'est vous qui m'avez envoyé là-bas, vous me demandez où c'est ? Bon, Julien, on enregistre là, et c'est pour les auditeurs, alors dites-leur où est la Pamukkale. Oh, pardon, chef, mais je sais pas où j'ai la tête. Vous savez, je suis peut-être encore un peu sous le choc de tout ce qui m'est arrivé ces derniers jours. Oui, bon, on en parlera plus tard, hein. Maintenant, dites-nous où est la Pamukkale. Bon, alors la Pamukkale, c'est un petit pays qui se trouve entre la Syrie et la Turquie, au bord du fleuve Euphrate. La capitale s'appelle Kibrit. Et je me trouve actuellement à Skroum, qui est un peu à l'ouest du pays, pas très très loin de la frontière avec la Turquie. La Pamukkale est un petit pays qui est resté longtemps à peu près inconnu des Occidentaux à cause du fait que une horrible dictature y régnait pendant 75 ans. Bourdayan, l'horrible Bourdayan, a régné sur ce pays et a empêché toute communication avec l'extérieur. Et puis, il y a de ça 3-4 ans maintenant, il faut que je fasse le décompte, c'était précisément le 11 du 9 2001, une révolution qui a permis à ce pays de sortir de son isolement. Mais bien sûr, il se passait autre chose ce jour-là, et personne n'en a vraiment entendu parler. Entendu parler de quoi, Julien ? Finissez vos phrases. Vous êtes journaliste, oui ou non ? Ben, de la révolution, bien sûr, celle qui a libéré la Pamukkale de l'horrible Bourdayan. Une révolution qui n'était pas orange ou turquoise ou je ne sais quelle couleur, et qui n'était pas plus ou moins téléguidée par une puissance extérieure, genre, par exemple, les Américains. Peux-tu appeler le fermier ? Julien ? Allô, c'est papa, je reviendrai à 3h. Au revoir. Julien, tout va bien ? 7-8-9. Allô, c'est papa, nous allons apprendre les chiffres. Julien ? Trouve le chiffre 5. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le chiffre 5. Au revoir. La Pamukkale, qui est un pays libre et parfaitement démocratique. Julien, c'est quoi ces salades ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais parfaitement, Aristide, enfin, c'est un pays qui est d'une ouverture incroyable. D'ailleurs, je pense qu'il faut plus s'intéresser à ses us et coutumes qu'à la politique. Finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais enfin, on nous écoute ou quoi ? Il y a de la censure. Vous avez entendu ce truc, là, tout à l'heure ? Quel truc ? Vous avez été coupé par une espèce de son étrange. J'ai rien entendu, je sais pas de quoi vous voulez parler. Bon, laissez tomber. Alors vous nous avez dit que vous étiez à Skroum, dans l'ouest de la Pamukkale, ce petit pays du Moyen-Orient qui compte environ 6 millions, 6 ou 7 millions d'habitants, c'est ça ? 6 millions, je crois, les chiffres sont pas très précis. Et le 21 septembre 2001, ce pays a fait sa révolution qui lui a permis de rentrer dans le concert des nations, si j'ai bien compris. Le 11 septembre, pas le 21. 9-11, tout. ça recommence. Allô, c'est le standardiste. Peux-tu appeler Juliette ? Au revoir. Julien, vous m'entendez ? Mais parfaitement, chef. Vous n'allez pas me poser la question toutes les deux minutes ? Écoutez, Julien, c'est la deuxième fois que vous parlez de révolution et c'est la deuxième fois qu'on vous coupe. C'est quand même bizarre, non ? On me coupe ? Mais comment ça, on me coupe ? Bah écoutez, chaque fois que vous parlez de ce sujet, il y a une espèce de musique avec des voix un peu robotiques comme ça, étranges, qui passe par-dessus votre voix, j'entends plus rien. Mais attendez voir. Albert ? Albert ? Albert, viens ici tout de suite ! Albert, c'est encore un petit gaga de balle. Tu peux pas faire la régie comme tout le monde. Allez, tiens, prends ça. Bon, visiblement c'est pas lui. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Chef, on peut pas reprendre la discussion normalement, parce que moi j'ai une enquête à mener après. Vous avez raison, Julien. Ça me tue de le dire, mais vous avez raison. Bien, alors, nous avons situé la Pamukkale, pays d'Orient, au bord de l'Euphrate, montagneux, désertique. Eh bien, les deux, à vrai dire, puisque lorsque je suis arrivé à Kibrit, qui se trouve au bord de l'Euphrate, c'est une ville relativement tempérée, et puis j'y suis resté quelques jours, et puis je suis monté dans le désert, direction Nessim Tzit, qui est une ville qui se trouve exactement en plein désert. Il fait une chaleur absolument suffocante dans cet endroit. J'ai mis presque une semaine pour atteindre la ville. C'était vraiment très pénible. Et puis j'ai fait plusieurs jours pour réussir à la quitter, tellement j'étais amorti par la chaleur qui y régnait. C'était vraiment, vraiment pénible. Et depuis Nessim Tzit, vous êtes parti dans les montagnes ? Oui, j'ai pris l'autobus pour les montagnes, mais c'est tellement compliqué en Pamukkale que j'ai dû faire une escale de presque une semaine dans un petit village où personne ne parlait d'autre langue que le kal, donc c'était un peu difficile de m'en sortir. Et puis, j'ai subi les routes du hasard, qui sont des routes très compliquées, qui ne mènent nulle part et qui font se perdre même les chauffeurs les plus expérimentés. Et on a fini par atteindre Skroum, qui se trouve dans les contreforts des montagnes Pamukkale, et qui rejoignent vers le nord le mont Ararat, qui lui se trouve déjà en Turquie. Vous avez mis sur le blog de Minuit moins le quart les détails de votre voyage. Les auditeurs que ça intéresse s'y référeront. Mais nous avons aussi décidé de mener une enquête sur un sujet particulièrement brûlant, Julien. Oui, alors il faut reprendre l'histoire depuis le début. Lorsque je préparais mon voyage en Pamukkale et que je lisais le guide d'Eugène, Pamukkale, pays fabuleux, aux éditions Autrement, vous trouverez les coordonnées de ce livre sur le blog, j'ai été particulièrement frappé par une information que Jeanne révélait, qui était que Bourdayan, le terrible dictateur, avait créé pas moins de 8 organismes de contrôle pour une population totale de 6 millions d'habitants. En fait, il y avait un nombre de polices et de polices de police complètement incroyable et jamais rencontré dans aucun pays. Il y avait par exemple la police pour l'amour du grand képi, dont la mission était d'accrocher le portrait du dictateur dans les cafés, les écoles, les bureaux de l'administration, les gares, les bus et au cou des chameaux. Il y avait les redoutables services de renseignements généraux, 10 000 hommes, la brigade de surveillance des services de renseignements généraux, 20 000 hommes, le bureau de sûreté nationale, le ministère des renseignements militaires en temps de paix, le ministère des renseignements militaires en temps de guerre déguisé en paix, le conseil de sécurité contre les intellectuels de la montagne, le Bourdayan Police Group, qui est la milice personnelle, et je crois que j'ai fait le tour. Et je me suis dit que lorsque je serai à Kibrit, il fallait absolument que je vérifie cette information. Et lorsque je suis arrivé, je me suis mis à la recherche d'une personne qui puisse m'informer, et j'ai trouvé la perle rare, une source totalement fiable qui m'a permis de confirmer que les informations de gènes étaient parfaitement véridiques, mais qu'en plus, au moment de la guerre froide, le système avait inventé encore un nombre incroyable de polices différentes, il y en a eu jusqu'à 35, et de sous-corps du ministère des renseignements en temps de guerre, ce qui fait que pratiquement la moitié de la population était enrôlée pour surveiller l'autre moitié ou surveiller les autres corps de police. Et puis, il y a une autre information que cette source m'a donnée, c'est qu'il semble que certains de ces corps de police existent toujours, même après la Révolution. Et je me propose d'enquêter sur ce sujet et de trouver les personnes qui continuent de sévir dans les polices de Bourdaïane, même après la mort du dictateur. Voilà, c'est pas pour rien que je vous ai nommé à la tête de la rubrique reportage, mon petit Morino. Alors, vous allez mener l'enquête, vous avez déjà des informations sur ce sujet ? Oui, alors ce que je sais, c'est que à Tibrit, le ménage a été fait, c'est-à-dire que les chefs de ces polices ont été écroués, et que la plupart des représentants de ces forces de l'ordre sont partis dans d'autres métiers, vu le nom absolument incroyable qu'ils en avaient. Par contre, il semble qu'en province, dans certains villages ou certaines petites villes, la population soit toujours terrorisée par une ou plusieurs sections de ces anciennes polices qui sévissent toujours. Alors pour l'instant, je ne les ai pas encore rencontrées, heureusement, mais il m'est arrivé des choses tellement étranges depuis que je suis en possession de ces informations que j'ai l'impression que mon enquête ne laisse pas complètement indifférent un certain nombre de personnes relativement bien placées dans le pouvoir local ou régional. Bien, ben on se réjouit de découvrir les résultats de votre enquête. Alors bonne chance et puis surtout faites attention à vos fesses. Vous me connaissez, chef. J'ouvre l'œil et le bon. C'est ça, mon petit Julien. Mais nous allons déjà devoir nous quitter. Je crois que vous êtes bien logé à Skroom, donc bonne fin de nuit et à très bientôt. Oui, en effet, l'hôtel est absolument magnifique. Bon. Alors à bientôt, Aristide. Comment on dit au revoir en cale ? Bordagnier. Alors Bordagnier, Julien. C'était Julien Morino en Skyplex de Skroom en Pamukkale. Oops.